Dans cette situation, je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.